Bonsoir à vous, chers auditeurs de la... Bonsoir à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 16 mars, dont voici le sommaire. Après la récente décision de l'Union européenne de suspendre toute aide directe au gouvernement burundais, le porte-parole du gouvernement tranquillise les Burundais que ces sanctions n'auront pas de conséquences néfastes sur la vie du pays. LDC et Kibiri l'ont condamné plutôt ce gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Dans un communiqué de presse qui vient de nous parvenir après quelques jours qu'une vingtaine de syndicats aient adressé une correspondance au deuxième vice-président de la République lui demandant de sursoir ou de suspendre la mesure de gel des annales. Eh bien, la deuxième vice-présidence vient de nous faire parvenir un communiqué où il demande aux responsables l'habilité de sursoir à l'octroi des avantages susvisés en attendant à l'issue du dialogue qui sera organisé par le Comité national de dialogue social sur base du rapport qui sera produit par l'équipe interministérielle déjà mise en place. En province Cibitoke, plus de 160 maisons ont été détruites par de fortes pluies de ce mardi soir et la population affectée demande une aide en vivres et en tôle. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitewuti. À la présentation, Mireille Kanyange, bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonsoir. Après quelques jours qu'une vingtaine de syndicats confédérés et non confédérés à la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, ait adressé une correspondance à la deuxième vice-présidence lui demandant de suspendre la mesure de gel des annales. Eh bien, la deuxième vice-présidence vient de nous faire parvenir, vient de sortir un communiqué dans lequel il dit saisir cette occasion pour assurer les employés des institutions précitées dont la COSIBU et autres syndicats que la mesure prise par le gouvernement a été dans le souci de garantir l'équité sociale et la solidarité pour tous les Burundais sans distinction aucune. Selon toujours ce communiqué, la deuxième vice-présidence vient de mettre en place une équipe interministérielle de réflexion et de proposition dans le but de faire suite efficacement aux doléances exprimées. La deuxième vice-présidence demande aux responsables habilités de sursoir à l'octroi des avantages susvisés en attendant l'issue du dialogue qui sera organisé par le Comité national de dialogue social sur base du rapport qui sera produit par l'équipe interministérielle déjà mise en place. Pour clore ce communiqué, la deuxième vice-présidence demande à tous ceux qui lui ont exprimé leur doléance d'attendre avec sérénité la suite réservée à cette question et de continuer à croire en la sincérité et la force du dialogue. Je vous le disais en titre, le gouvernement burundais a mis en application ce que lui a demandé de faire l'Union européenne. C'est la réaction du porte-parole secrétaire général du gouvernement après la mesure de l'Union européenne de suspendre toute aide directe au gouvernement burundais. Philippe Nzobonariba tranquillise le peuple burundais que ces sanctions n'auront pas de conséquences néfastes sur la vie du pays. On écoute Évariste Nzikobanyang. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Philippe Nzobonariba indique que l'Union européenne a un autre agenda caché qui ne vise que déstabiliser le gouvernement mis en place par la population burundaise. Philippe Nzobonariba explique que l'Union européenne n'a pas pris en compte l'évolution positive de la situation en rapport avec le dialogue inclusif inter-burundais en cours, ainsi que les récentes mesures prises en rapport avec les droits de l'homme et notamment la grâce accordée à plus de 2000 prisonniers, l'annulation l'exécution des mandats d'arrêt contre certaines personnalités, la libération de plusieurs détenus en rapport avec le mouvement insurrectionnel, de même que la réouverture de quelques radios privées. Tout cela après une instruction diligente de leur dossier sur demande du gouvernement. En ce qui est du dialogue avec les politiciens qui ont fui le pays, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement explique que le pouvoir ne pourra jamais s'asseoir avec ceux qui ont tenté de renverser les institutions le 13 mai de l'année 2015 et ceux-là qui ont pris les armes pour orchestrer le terrorisme, dit-il. Toutefois, le gouvernement du Burundi se réjouit de ce que le partenaire européen ait maintenu le soutien financier à la population ainsi que l'aide humanitaire, ce qui par ailleurs constitue la principale priorité du gouvernement. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement précise que le gouvernement burundais va tout faire pour combler le vide en ce qui est budget de fonctionnement. Nous lui avons demandé si le gouvernement ne se contenterait de revoir à la hausse les taxes et impôts. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement tranquillise. Philippe Nzobonariba explique que le gouvernement va préserver toute la transparence nécessaire et parer aux éventuelles opérations de blanchiment des financements ainsi que leur détournement vers d'autres activités suspectes. Les fonds destinés aux projets pour le bien-être de la population passent par les comptes de la Banque centrale conformément à la loi à la matière et en vigueur, tout en restant dans leur intégrité à l'entière disposition de la population bénéficiaire. Et de son côté, Léon Sengendakoumana, président du parti Frodebu, condamne plutôt le gouvernement en place qui n'a pas pu respecter ses engagements en matière de droits de l'homme, de politique ou d'état de droit en vertu de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Suivez Léon Sengendakoumana. Et nous avons accueilli cette nouvelle avec douleur, avec déception, avec désolation parce que ce sont des mesures, ce sont des décisions qui frappent le peuple burundais actuellement dans une pauvreté, dans une misère, dans un chômage extrême. Je ne condamne pas les pays qui ont pris cette décision. Je condamne plutôt le pouvoir de facto de Bujumbura, car ceci s'inscrit dans le cadre d'un accord, dans le cadre d'une convention dénommée accord de Cotonou, qui repose sur le respect des principes et valeurs démocratiques dans les pays membres. Que ce soit son gouvernement ou le gouvernement à venir doit respecter les principes contenus dans l'article 96 de l'accord de Cotonou. Et il n'y a pas longtemps, c'est au mois de décembre de l'année dernière, que le pouvoir de facto de Bujumbura et l'Union européenne se sont rencontrés pour rappeler que le Burundi ne respecte pas les engagements contenus dans cet accord, que la paix et la sécurité n'est pas garantie pour les citoyens, que la liberté n'est pas garantie, que les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ne sont pas garantis, que les pratiques de corruption, de détournement des deniers publics, de malversations économiques et financières sont devenues monnaie courante et que par conséquent, le Burundi devrait se ressaisir. Et c'est dommage que ce soit le peuple burundais qui doit en payer les frais. Comprenez alors pourquoi nous avons accueilli cette décision avec douleur. Selon toujours Léon Sengendakoumana, le gouvernement burundais ne devrait pas qualifier cette décision de l'Union européenne de sanction sévère au regard des autres pays de la région qui ont changé ou non leur constitution. Encore une fois, Léon Sengendakoumana. J'ai pu comprendre que les arguments qu'ils avancent depuis la déclaration du secrétaire général de ce même gouvernement de facto, qu'ils disent que c'est injuste pour Burundi dans la mesure où d'autres pays comme la RDC à côté, comme le Congo Brazza de l'autre côté, au Rwanda, en Ouganda, un peu partout en Afrique, que des constitutions sont révisées et que des chefs d'État se succèdent à eux-mêmes. Je pense aussi que le gouvernement de facto de Bujumbura est injuste envers ces pays. Pourquoi? Parce que au moins eux, quand ils violent ces constitutions, ce sont des constitutions qu'ils ont montées, qu'ils ont façonnées eux-mêmes par la voie des armes. La plupart de ces États, ce sont des États issus de rébellions armées. Au contraire, la constitution de la République du Burundi, c'est une constitution qui émane de l'accord d'Arusha, un accord politique et juridique qui a été négocié par les Burundais pour instaurer un ordre politique, économique et social nouveau pour stabiliser le Burundi. Et comprenez que le CNDD-FDD n'a pas gagné la guerre pour imposer cette constitution et qui n'a aucun droit de rejeter l'accord, de rejeter la constitution comme il veut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces chefs d'État, finalement, quand ils arrivent au pouvoir, au moins, ils font des efforts dans le cadre du rétablissement et du maintien de l'ordre et la sécurité dans leur pays, dans le développement de leur peuple. Mais pour pour un président et un gouvernement et un parti politique qui détruisent les partis politiques, qui détruisent les médias, qui détruisent la société civile, qui détruisent l'armée, qui détruisent la police, qui opposent les citoyens les uns contre les autres, vous prendrez, vous tuez tout aussi. Comment voulez-vous que quand on fait la tentative de réviser la Constitution, on vous laisse? Ça, c'est le tour de ce pouvoir de facto et il doit se ressaisir. Léon Sengenda-Koumana, président du parti Sawanya Frodebou, a été joint au téléphone par Marie-Ange Nzeimana. Rappelons toutefois que l'enveloppe de 432 millions d'euros destinée au Burundi jusqu'en 2020 n'a pas été totalement retenue. Une somme de 55 millions d'euros va être débloquée pour deux projets, comme l'a souligné le délégué de l'Union européenne au Burundi dans une conférence de presse de ce 15 mars. Cette aide humanitaire passera par des organisations de la société civile en matière de soins de santé et de développement rural et nutrition. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 18h11 dans les studios de la radio Isanganiro. La mairie de Bujumbura compte très prochainement rétablir les comités mixtes de sécurité. Une réunion relative a été organisée ce mercredi dans les trois communes de la capitale, à savoir la commune Muha, Mukaza et Nahangwa. Il a été annoncé que les jeunes seront représentés à hauteur de 40%. Et le maire de la ville, Freddy Mbonima, est confiant que les jeunes devront comprendre qu'ils sont le pilier du développement. Et pour lui, il n'y a pas de développement sans la paix. Il reconnaît que le travail de ces comités n'a pas été facile dans la capitale. Suivez plutôt Freddy Mbonima, c'est le maire de la ville de Bujumbura. Les comités, ils étaient là, mais ils n'étaient pas opérationnels suite à certaines personnes qui avaient peur, d'autres qui n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches. Alors il fallait que ces gens qui devraient être les premiers responsables de la sécurité puissent l'être réellement. Donc c'était une note d'orientation, une phase opérationnelle et une phase qui va nous permettre de démarrer au niveau du développement dans tous les secteurs de la vie de la commune. Il a été dit au cours de cette rencontre que la jeunesse va être représentée à hauteur de 40%. Comment sera-t-il possible dans certains quartiers où il a été observé un climat d'insécurité? Effectivement, il y a dans certains quartiers où les jeunes n'ont pas totalement confiance aux organes élus, mais nous pensons que c'est le rôle de ces comités que nous sommes en train de mettre sur place. Ils doivent approcher la jeunesse. Nous devons aussi, au niveau de l'administration, organiser des rencontres, des jeux, des échanges pour que ces jeunes puissent comprendre qu'ils sont les piliers du développement et non pas les destructeurs de leur société. Donc nous pensons que dans ces quartiers et aussi, ils sont interpellés et nous sommes confiants que bientôt tout va rentrer dans l'ordre parce que le pas déjà franchi, il est vraiment visible. Et de façon générale, comment rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population dans ces quartiers? C'est le dialogue. Nous pensons que la jeunesse, la population en général, les forces de l'ordre doivent être à côté de ces jeunes gens, de ces élus, pour qu'ils puissent échanger et voir de la même façon la vision que nous avons sur la paix. Nous lançons un appel à tout le monde d'être conséquent et de comprendre que leur avenir, ils doivent la prendre en main, que ce sont les premiers bénéficiaires de la paix pour que le développement puisse être intégral partout. Le maire de la ville de Bujumbura répondait aux questions de Léonce Bitariho et ses comités composés des représentants de plusieurs secteurs de la vie seront mis en place d'ici mercredi prochain au niveau des communes de la capitale Bujumbura. En province Bururi, deux personnes, dont un élu collinaire, ont été tuées la nuit dernière dans les communes Mugamba et Matana. En province Bururi, le gouverneur de cette province indique que la chasse aux perturbateurs de la sécurité dans cette province ne va pas pour autant s'arrêter. La police a indiqué qu'elle a déjà débuté ses enquêtes. Une correspondance de Jean-Pierre Misago. Mudomo Adrien wa kabiri kubatowe ku mutumba yishwe nk'isa 12 n'igice ari hafi. Vous nous excuserez de cette erreur. L'élément demandé n'était pas prêt, mais à la cabine technique, l'on me signale que l'élément est prêt. Je vous disais que en page sécurité, deux personnes, dont un élu collinaire, ont été tués la nuit dernière dans les communes Mugamba et Matana en province Bururi. Et le gouverneur de cette province indique que la chasse des perturbateurs de sécurité dans cette province ne va pas pour autant s'arrêter. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Domo Adrien, chef de secteur adjoint de la colline Mubira en zone Nyagasasa de la commune Mugamba, a été tué vers 18h30 avant d'arriver chez lui, selon Christian Nkurunziza, gouverneur de la province de Bururi. Les sources policières à Bururi indiquent que le défunt est tombé dans une embuscade lui tendue par des hommes armés qui lui ont tiré 3 balles dans la tête et est mort sur le champ. La deuxième personne tuée est un veilleur de porcherie du lycée Matana. Il est tombé sous le coup, reçu au niveau de la tête et n'a pas eu le temps de crier au secours selon des sources administratives et policières sur place. Aucun porc n'a été volé. Alors que certaines informations disent que cet élu collinaire de Mubira serait victime des dénonciations des caches d'armes dernièrement découvertes sur cette colline, le gouverneur de Bururi dit que la traque des malfaiteurs armés ne va pas pour autant s'arrêter. Il encourage plutôt la population de continuer ses dénonciations pour leur propre sécurité. Le chef collinaire de Mugendo Ndengo, dans cette même zone de Nyagasasa, avait été tué dans les mêmes circonstances fin novembre 2015. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago, rendons-nous en province Cibitoke, à l'ouest du Burundi, pour parler de plus de 160 maisons qui ont été détruites par de fortes pluies qui se sont abattues ce mardi soir sur la colline Kaburanwa de la commune Buganda en province Cibitoke. Le propriétaire des maisons demande une assistance et au ministère de la Solidarité, l'administrateur Bigirimana Emmanuel, l'administrateur de la commune Buganda demande son intervention car sa commune, dit-il, n'a pas assez de moyens. Et en province Gitega, les habitants des communes de cette province, dont les maisons, champs et écoles, ont été emportés par de fortes pluies de ces 2 derniers mois, demandent une assistance en vivres et en tôles. Et selon un rapport du bureau provincial de Gitega, plus de 360 maisons et 29 écoles ont été détruites et 830 hectares de champs ont été emportés. Page santé pour clore ce journal. L'Association burundaise des jeunes infectés ou affectés par le VIH-Sida sensibilise la jeunesse burundaise au dépistage volontaire car c'est elle qui constitue la catégorie la plus vulnérable. Ceci a été dit par le secrétaire exécutif de cette association. C'est au moment où l'effectif des jeunes qui sont affectés par le VIH-Sida augmente d'année en année. Désiré Ndayishimiye demande au gouvernement burundais de continuer à faciliter les activités des organisations œuvrant dans la lutte contre le VIH-Sida. Suivez Désiré Ndayishimiye. D'abord, ce que nous avons constaté, que les jeunes constituent la catégorie la plus vulnérable face au VIH-Sida, et c'est méfait. Cette vulnérabilité est due, par exemple, à la méconnaissance envers le VIH-Sida. Les abus et violences sexuelles, l'exploitation sexuelle, la transmission mère-enfant, l'ivrognerie, le désespoir face à un avenir incertain, la crise d'adolescence, la dégradation des mœurs face à la mondialisation et les crises sociopolitiques. Nous avons constaté que ce sont les jeunes qui succombent sous le poids du chômage qui s'accrit exponentiellement, surtout dans les pays en voie du développement. Sur un sentier au rapport des ONG, Talocal, internationaux œuvrent dans la lutte contre le VIH-Sida. Donc, l'effectif augmente d'une année à l'autre d'une manière générale. Et si les jeunes constituent la catégorie la plus vulnérable, ça signifie automatiquement que chez les jeunes aussi, l'effectif augmente de l'année à l'autre. En général, nous lançons encore très vivement cet appel de répondre aux activités de dépistage volontaire. Et aux jeunes infectés et ou affectés par le VIH-Sida devraient dans le sens et l'objet de la BEJIA afin de mener ensemble un vif combat contre le VIH-Sida et ses méfaits, et afin aussi d'assurer leur autodéveloppement et contribuer au développement d'ensemble. Au gouvernement du Burundi, qu'elle puisse continuer à permettre et faciliter les activités des ONG et vrai dans la lutte contre le VIH-Sida, de renforcer dans la mesure du possible ses capacités orientées dans la lutte contre le VIH-Sida et surtout dans le volet sensibilisation et action pour le dépistage. Désiré Ndayishimiye, c'est le président de l'Association burundaise des jeunes infectés ou affectés par le VIH-Sida. Il a été joint au téléphone par Marie-Claire Kazeneza. Ainsi, à 18h20 dans nos studios. Ainsi se referme ce journal, mais je vous rappelle qu'après qu'une vingtaine de syndicats, confédérés et non confédérés, à la COSIBU, aient adressé une correspondance au deuxième vice-président de la République dans le but de lui demander de suspendre la mesure de gel des annales. La deuxième vice-présidence vient de sortir un communiqué dans lequel elle indique qu'elle vient de mettre en place une équipe interministérielle de réflexion et de propositions dans le but de faire suite efficacement aux doléances exprimées par cette vingtaine de syndicats. Elle indique qu'elle demande aux responsables habilités de surseoir à l'octroi des avantages visés en attendant à l'issue du dialogue qui sera organisé par le Comité national de dialogue social sur base du rapport qui sera produit par l'équipe interministérielle déjà mise en place. Et après la récente décision de l'Union européenne de suspendre toute aide directe au gouvernement burundais, le porte-parole du gouvernement burundais tranquillise les Burundais que ces sanctions n'auront pas d'effet néfaste sur la vie du pays. Et de son côté, la DCI Kibiri condamne plutôt le gouvernement burundais qui n'a pas pu respecter ses engagements vis-à-vis de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui assurait la mise en onde. Excellente soirée à tous. Au revoir.